do you. Cool. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet à la maison, c'est la saga des Fab Four 471, c'est comme confinement, d'ailleurs en ce deuxième confinement c'est la, j'en avais fait 11 dans le premier, c'est donc la 13e édition des sagas faites à la maison durant un confinement que nous commençons aujourd'hui. J'en suis pas fier, je préférerais le faire à la radio, c'est mieux. Mais bon, c'est comme ça. Je vous demande d'ouvrir ce podcast, si vous l'avez téléchargé avant, résistez, arrêtez-le tout de suite si on n'est pas le 11 novembre à 20h, car il faut l'ouvrir à 20h, et commenter dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. L'album de la semaine, c'est Driving Rain de Paul McCartney en 2001. On écoutera From a Lover to a Friend, également She's Given Up Talking. Il y aura Driving Rain, il y aura Lonely Road, Riding into Jaipur, et on terminera avec Heather. Pour Lennon, ce sera Power to the People, le single en 1971. George Harrison nous chantera Run of the Mill en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera A Cappella sur l'album Goodnight Vienna de 1974. On parlera des Beatles aussi. Les Beatles commenceront l'émission avec le medley Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, sur Beatles for Sale, sorti en 1964. Quelle superbe année, 1964. Il paraît que des légendes sont nées en 1964. Je ne vous en dis pas plus, les habitués savent. Voilà, ben pour le reste, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se retrouve donc sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour commenter en direct ce podcast fait directement pour vous les habitués, pour vous les fans de la saga des Fab Four, et je vous remercie comme toujours et encore plus pendant ces moments-là d'être présents. On se retrouve juste après le générique pour le premier titre. Titre de la saga, un album qui vieillit bien, Driving Rain, sorti en 2001 par Paul McCartney. See. John Lennon en 1971. Dans le fait que les Beatles se sont séparés, il n'y a pas eu que Yoko, bien entendu. Yoko était sujet à controverse, bien sûr, mais les Beatles ont commencé à 20 ans, plus ou moins, on ne va pas chipoter pour des virgules. Ils étaient donc des jeunes hommes pas mariés, sauf en 63 John Lennon. Et en 1970, ils étaient tous les quatre mariés. Ils avaient des idées différentes, notamment au niveau de la politique. John Lennon, lui, voulait utiliser ses chansons pour parler politique. Et ça ne plaisait pas trop à McCartney, qui, lui, plutôt pensait beaucoup plus à exclure la politique de ses chansons. Donc, voilà, une cause de plus d'une possible séparation. Il y avait aussi le fait que George Harrison n'avait pas assez de place sur les disques des Beatles, donc ça lui plaisait pas non plus. En gros, si on veut résumer, il y a peut-être que Ringo Starr qui lui aurait suivi quoi qu'il se passe. Mais les Beatles devaient se séparer, c'est comme ça. Et c'est dommage, parce qu'en 1995, si tout le monde avait été vivant, si vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'ils auraient fait un petit tour comme ça pour un disque, et ça nous aurait vachement plu. Ça aurait été vraiment très très bien. Allez, n'ayons pas de remords, l'histoire, c'est comme ça. Voici George Harrison sur RIG, si on veut, puisque c'est la radio d'origine, mais sur le podcast de la saga des Fab Four, avec Run of the Mill sur RIG. Oh, j'ai tellement l'habitude de le dire. Allez, c'est parti. We're gonna make a little music. You got soul, my don't you lose it. We're gonna make a little music. Everything's gonna be mellow. We got just to sing it a cappella. Everything's gonna be mellow. We got just to sing it a cappella. Oh. J'avais envie de dire, le premier qui surprend lors de la séparation des Beatles, c'est George Harrison, avec son album All Things Must Pass. On ne s'attendait pas à une sorte d'océan de bonnes chansons comme ça, mis en une seule fois. Et c'est des chansons qu'il retenait, qu'il avait proposées aux Beatles, et qui avaient été gentiment mises de côté par Lennon et McCartney, qui lui avaient certainement dit « Oui, oui, oui, on verra, une autre fois, mais pas là ». Et donc, comme dit George Harrison, il était comme s'il était constipé, quoi, avec les Beatles. Et puis, lorsque les Beatles se sont séparés, il s'est retrouvé relâché, si vous voyez ce que je veux dire. Bon appétit, tout le monde. En tout cas, il y a ça. Il y a McCartney a fait un excellent album. Lennon a fait un album surprenant, mais très très bon. Et Ringo Starr, en 1970, il nous en sort deux. Il nous sort Sentimental Journey, excellent album de reprise des années 30-40, et un album complètement country. Donc, pas à ce point-là avec les Beatles. Avec les Beatles, c'était plutôt orienté rock-pop, avec quelques influences country de temps à autre. Mais là, country. Et c'est très bien également. Donc, bref, les quatre s'en sortent avec des honneurs. Et même Ringo, d'ailleurs, puisque là, on vient d'écouter un titre de 1974. On va dire que jusqu'en 75, ouais, à peu près, c'était vraiment très bien, Ringo. Il s'en sortait, il était bon, et bon, aidé par ses copains, d'accord, mais il était bon. Et ça, c'est bien comme ça. Puisqu'on a écouté George, Ringo, Paul et John, on va écouter les Beatles dans quelques secondes. Et pour parler des Beatles, il faut d'abord que je vous présente le site partenaire et le site surtout qui vous fait tout savoir sur les Beatles, c'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Yeah, I'm going to Kansas City, gonna get my Paul McCartney et les Beatles en 1964 et 37 ans, il me semble, plus tard. Voici Paul McCartney tout seul sur l'album Drive in Rain en 2001. She's Given Up Talking, c'est le titre. She's given up talking, don't say one, even in the classroom. Bird. Unlike other children, she's seen and never heard. She's given up talking, don't say a word. You see her in the playground, sitting on her own. Everybody wonders why she's all alone. Someone made her angry, someone's got her scared. Hey, hey, J'ai voulu profiter du fait que nous sommes en enregistrement et que la barrière des 2 heures d'émission n'est pas vraiment obligatoire, si vous voyez ce que je veux dire, pour vous proposer quelque chose que je ne passe jamais. Et pour cause, je trouve que ce serait pas mal pour un enregistrement sur un document, sur un film d'horreur, mais ça fait vraiment Beatles daté, et j'aime pas vraiment ce morceau que je ne considère pas comme une chanson. C'est Revolution 9, ça dure 8 minutes 20, je ne pense pas tenir 8 minutes 20, je vais essayer de vous en proposer 4 minutes. Mais c'est la première fois, je crois, ou l'une des premières fois en 37 ans que je le passe dans la saga. We'll do it next time. About it, George. I'm sorry. Will you forgive me? Yes. Cheeky bitch. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. J'arrive au bout de ma patience, alors je vais en profiter pour le laisser en fond sonore. Revolution 9 n'est ni une composition de Lennon et McCartney, ni un enregistrement des Beatles. C'est un collage de 8 minutes et quelques réalisé par John et Yoko. La première version de Revolution 1 durait au départ plus de 10 minutes. Et non, j'ai tenu 2 minutes à peine. Dont plus de la moitié consistait en des hurlements et des gémissements de John et Yoko, accolés à une série de bruits discordants censés représenter le fracas d'une révolution. Ils décidèrent ensuite d'éliminer cette section chaotique, tant mieux, de Revolution 1 et de la réutiliser pour un autre morceau qui allait devenir Revolution 9. Dès que ce projet eut une existence propre, d'autres bandes de brouhaha, de foule et de divers bruits provenant de la sonothèque d'effets sonores de EMI furent apportés en studio. EMI n'ayant pas d'équipement multipiste sophistiqué, il fallut utiliser 3 studios d'Abbey Road en reliant toutes les machines entre elles. John assura le mixage en direct. À mon avis, il devait avoir fumé un petit peu pendant ce moment-là. Bon, enfin, ça c'est mon avis personnel. Un tel mélange de sons rend les sources sonores et les voix presque impossibles à identifier. Mark Levinson, qui eut accès aux bandes originales, les divise en un chœur, des violons à l'envers, une symphonie à l'envers, un extrait d'une piste orchestrale de Day in the Life, des vers entrechoqués, des applaudissements, de l'opéra, un mélotron à l'envers, une voix qui fredonne, des phrases prononcées par John et George, et une cassette de John et Yoko hurlant les mots « Right » de Revolution. Ocean, extrait de It's Gonna Be Alright. La bande la plus mémorable et qui explique le titre de la chanson est une voix puissante qui répète « Number 9, number 9, number 9, numéro 9 ». Cette bande provient des archives et semble avoir été extraite d'une question posée pour un examen à l'Académie Royale de Musique. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je peux ajouter une dernière chose avant de couper et de passer à autre chose. Paul se trouvait aux États-Unis lorsque Revolution 9 fut réalisé et fut déçu de son inclusion dans l'album blanc, moi aussi. D'autant plus qu'il réalisait des collages depuis 1966 et que John allait maintenant être perçu comme l'innovateur du groupe dans ce secteur. Eh bien, petite aparté personnel, le talent des Beatles est ailleurs que ce brouhaha qui n'est pas vraiment agréable. Voilà, je l'ai dit, et je vous ai passé quand même, presque 3 minutes. Non, 5 minutes, 5 minutes de Revolution 9. C'est largement suffisant. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Ça, c'est extrait du même album et franchement, c'est franchement bien mieux. Et un petit clin d'œil à mes collègues qui travaillent à l'aéroport. In the USSR sur RG dans la saga des Fab Four, le podcast en direct. Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way to paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. New York walk, and you Était tronqué un peu par le logiciel, désolé. When I'm 64, les Beatles, forcément. Puisqu'on parle des Beatles et puisqu'on a le temps, voici une petite interview d'un auteur sur les Beatles qui vient de sortir un livre. Je vous en passe un extrait. Quelle est la particularité de votre ouvrage ? Vous pouvez retrouver énormément de chanteurs très connus, mais aussi parfois des inconnus qui ont fait un seul titre, mais qui a très bien marché. Il y a énormément d'auteurs-compositeurs que nous ne connaissons pas. Et certains même sont complètement inconnus. On a beau faire des recherches sur Internet, etc., on ne sait pas s'ils ont vraiment existé, parce qu'il y a eu énormément de faux noms pour des raisons de droits d'auteur, etc. Et puis c'était parfois les managers ou les DJ qui donnaient des noms ou leur propre nom pour obtenir les copyrights. Donc c'est assez étonnant de découvrir certaines chansons avec des auteurs, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, enfin c'est très très confus, et j'ai essayé justement d'éclaircir tout cela en faisant des recherches qui ont abouti pour une grande partie, mais il me reste quand même des mystères et je l'indique véritablement au lecteur. Et puis je veux dire aussi qu'à la fin de la plupart des chansons, j'ai essayé de donner la version française, parce que parfois, dans toutes ces chansons plus ou moins connues, il y a des petites pépites en français. Et le lecteur sera très surpris de voir que le nombre de chansons qui ont été reprises par Johnny Hallyday, par exemple, mais aussi par tous les yéyés et puis tous les groupes des années 60. Ce sont des petites anecdotes que, je pense, intéresseront les lecteurs les plus anciens, mais peut-être aussi les tout jeunes. Donc, il s'agit du livre The Beatles, les racines musicales de John, Paul, George et Ringo, de Jean-Louis Pollard, que vous pouvez acheter dans les grands magasins, vous savez, ceux qui sont actuellement fermés et qu'on n'a pas le droit d'acheter des livres. Et bien, dès que vous pourrez, allez-y. Ou alors, vous le commandez sur Internet. Faites comme vous voulez. Voilà. La suite de la saga, c'est l'album de la semaine et Drive in Rain, Paul McCartney, dans la saga des Fab Four, en confinement, saga des Fab Four numéro 471C.

Après l'album de la semaine Driving Rain et la chanson Driving Rain, vous avez entendu l'instrumental George Harrison qui s'appelle Harris on Tour, mais en live, s'il vous plaît. Et il y a eu également sur Help en 1965 et Rubber Soul en 1965, d'abord Another Girl, puis In My Life. Je vous propose de rester pour cette émission enregistrée à la maison sur les Beatles. Avec les Beatles, c'est mieux. Avec l'album blanc et la chanson I Will, parce que je crois que c'était la semaine dernière. Si ce n'était pas la semaine dernière, c'était il n'y a pas très longtemps. Je vous ai proposé une version, c'était la semaine dernière, je vous ai proposé une version de I Will qui a été écourtée. Donc j'ai envie de l'écouter en entier. La voici, cette chanson I Will, sur l'album blanc, le vrai. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. If I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever. Find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you for the things you do and dear you to me. Et l'album de la semaine, Driving Rain, et ce titre, Lonely Road. I tried to get over you. I tried to find something new. But all I could ever do was fill my time with thoughts of you. I tried to go somewhere old, to search for my pot of gold, but all I could ever hold inside my mind were thoughts of you. I hear you music and it's driving me wild. Familiar rhythms in a different style. I hear you music and it's driving me wild again. Oh, don't wanna let you take. écoutez la saga des Fab Four 471C, la saga enregistrée à la maison dans le mode confinement. Qu'est-ce que vous voulez ? Je fais ce que je peux et je vous propose d'en arriver à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation, et même si eux-mêmes faisaient déjà une cover d'une chanson d'un de leurs pères, genre Chuck Berry ou qui vous voulez, ou Little Richard par exemple, ou quelqu'un d'autre. Bref, c'est une chanson chantée par quelqu'un de connu ou pas, et là en l'occurrence c'est quand même quelqu'un de connu. Ça date de 1970 sur un album qui s'appelle New Morning. Il est sorti, je crois, un petit peu avant la version de George Harrison. Et je vous propose donc If Not For You par Bob Dylan. Bob Dylan a offert cette chanson à George Harrison pour son album All Things Must Pass. Mais il a chanté également un tout petit peu avant Paul. Un tout petit peu avant George, mais vous aviez compris. Not for you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Eh bien, puisque on est avec Bob Dylan, on reste avec Bob Dylan. Alors, c'est pas totalement vrai qu'il a fait une cover d'une chanson d'Harrison, puisque la chanson est de lui. Par contre, George Harrison a fait une cover de la chanson, d'une chanson de Bob Dylan. Voici Abandoned Love sur R.I.G. dans la saga des Fab Four. C'est une chanson rare chantée par George Harrison. Righteous, but it's vain. Oh, something's telling I were the ball and chain. Patron saint is a fighting with a ghost. He's always off somewhere when I need him most. Spanish moon is rising on the hill. My heart is telling me, yeah, I love you still. Come back to the town from the flaming moon. I see you in the streets, I begin to swoon. Comprends, hein, petit clin d'œil, etc. Voilà, je vous propose un nouveau titre. Il y a quelques émissions de cela. Est-ce que c'était la dernière? Je ne sais plus, encore une fois. On avait parlé de Lucy in the Sky with Diamonds et du fait que les Anglais, la BBC notamment, avaient cru déceler dans cette chanson le sigle du LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Et pourtant, John Lennon avait dit non, c'est Julian qui avait apporté un dessin de son école. Et quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit c'est Lucy dans le ciel avec des diamants. Et l'imagination de John Lennon a fait le reste. En 2009, cette fois-ci, Julian Lennon a écrit une chanson pour Lucy, je crois qu'il avait disparu à ce moment-là parce qu'elle avait eu une maladie, quelque chose comme ça. Et il a mis en pochette du 45 tours, ou du CD comme vous voulez, le fameux dessin dont il s'agissait. Donc, un hommage à Lucy par Julian Lennon dans la saga des Fab Four. Here she comes with her girlfriends, walking in circles, making their way hand in hand. When she plays with her girlfriends, she's one in a million, coming again and again. Do, do, do, do, do, do, do.

Cette chanson, à l'origine, est de John Lennon. D'ailleurs, il l'a chantée, on le retrouve sur un album en 1984, l'album Milk and Honey. Et il avait écrit quelque part qu'il aurait bien vu Ringo chanter cette chanson-là lorsqu'il a vu ça. Ringo a pris la chanson et l'a inclus dans son dernier album en date pour l'instant, l'album What's My Name, sorti en 2019. Il a demandé à Paul McCartney de venir faire la basse et il a inclus, il faut bien prêter l'oreille pour l'entendre, il a inclus un petit riff à la George Harrison dans la chanson, juste un tout petit riff. Et ben comme ça, quelque part, les quatre Beatles étaient présents. Il a chanté du mieux qu'il pouvait et c'est très bien. On écoutera la version de John Lennon un petit peu plus tard. Pour l'instant, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Driving Rain, sorti en 2001 par Paul McCartney. Et voici la chanson que j'aime bien, qui, moi, à mon avis, pour moi, sonne un petit peu George Harrison, justement, avec ce titre, Riding into Jaipur, sur RG, bien sûr, comme je dis toujours. Thank you.

besoin de présenter cette chanson? Non, à mon avis, non. C'est un grand classique écrit principalement par McCartney et chanté, bien entendu, par Ringo Starr. Et à noter que dans cette chanson, le moment où on entend le bruit des bulles, ben, à l'époque, ça a été fait simplement. Ils ont pris un verre d'eau, ils ont mis une paille dedans, ils ont fait brrrr, et ça a fait des bulles. Comme quoi, les effets spéciaux, ça n'allait pas forcément chercher loin dans les années 60. Et c'est bien comme ça. Tiens, pour l'album de la semaine, je crois que c'est la dernière fois qu'on l'écoute, je ne suis pas sûr, je crois que oui. Eh oui, ça avance déjà vite. Je vous propose c'est pas vraiment un instrumental, mais enfin, ça démarre comme ça. Il paraît, d'après la légende, que Heather, la fameuse seconde femme de Paul McCartney, qui lui a fait beaucoup de soucis, mais qui ressemblait à Linda, c'est peut-être pour ça qu'il en est tombé amoureux. Eh bien, elle s'est levée un matin, Paul était au piano, et elle lui a dit, parce qu'elle est ignorante, c'est un truc des Beatles. Et il lui a dit non, c'est une nouvelle chanson. Et c'était ça. Thank you. fleur bleue, ce Paul McCartney. Il l'a regretté après. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça. Deux chansons de John Lennon à la suite. La première, c'est extrait de l'anthologie 4 Dakota. C'est donc des chansons qui sont restées inédites pendant très très longtemps, jusqu'en 1998 pour être exact. Voici Mr. Hyde's Gone, Don't Be Afraid. Donc c'est une démo. Et l'autre, c'est la fameuse chanson Grow Old With Me qu'on a entendue tout à l'heure chantée par Ringo. Et on entendra la version d'origine, celle de John Lennon. Thank you. s'agit pas de la version de Milk and Honey, mais de la version du Gimme Some Truth Deluxe, sorti en 2020. C'est la même que celle qui avait été faite avec George Martin, qui a inclus le petit morceau instrumental que vous entendez derrière les... Renonce, je sais pas comment dire le morceau qu'est, parce qu'il a été rajouté par George Martin, c'est pas grave. Voici Rocking Chair in Hawaii, George Harrison. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't leave, gonna rock all the way from here. If you want me one more, please don't act so shy. And if you want me one, please don't pass me by. I love those sideways glances, your shoulder and your thigh. You're still busy hiding what it is you've got. And if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you're not. You may be going someplace, someplace you've already been. Sun, I say it's all right. It's alright. saga des Fab Four, c'est sur RIG. Hello, this is Paul McCartney. The other day I met someone I had known in another lifetime. Old puzzle pieces lost without a trace fell into place in my mind. But we both knew what we were getting into, and we didn't want to stop. No, we wouldn't want to miss it, 'cause it seems like old times, so like long ago that I hardly even know who's who anymore, what's new anymore. So like long ago that it seems like old times. McCartney sur RIG dans la saga des Fab Four, enregistrée pourtant à la maison. C'est une chanson qui a été enregistrée, je crois, dans les années 80 et qui est, on va le dire discrètement, dans les placards, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je vous propose de bientôt arrêter cette saga. Je ne sais pas quelle heure il est parce que j'ai fait plusieurs arrêts. Et du coup, au niveau du timing, peut-être qu'on dépasse les 2 heures. Eric, on a dépassé ou pas? Bon, je sais pas, j'ai pas la réponse. Allez, encore 1, 2, 3 chansons et après on arrêtera. Voici du Paul McCartney de 2008, extrait de l'album Electric Arguments. Rappelez-vous cette chanson, Highway. Running to the night time, baby, looking like a wreck. Franchement, j'aime bien. Allez, on ferme l'émission. Oui, j'allais dire on termine, mais on ferme, ça marche. Ça marche aussi. Avec deux Beatles, dont un qui n'est pas un Beatles. Je vous explique. Il a proposé la chanson aux Beatles et on a dû lui dire « Ouais, on verra ça plus tard ». Du coup, il ressortira la chanson en 1979. Alors, voici « Not Guilty, travailler avec les Beatles » de George Harrison. Et puis, la dernière chanson, je n'ai pas besoin de vous la présenter puisque c'est le, comment dire, le principe de vie des Beatles, le mot qu'il faut retenir des Beatles. Et ça, vous connaissez obligatoirement. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty, and I'm not for the rest. I'm not trying to steal your best. I'm not trying to be small, but I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your hand, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, not guilty. On the road to Madeleine, I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, not guilty. Cool. La fin, on rentre chez nous. Ben, moi j'y suis déjà, donc il n'y a pas de problème. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four consacrée à Paul McCartney, enfin en tout cas l'album Driving Rain de Paul McCartney. On se retrouve la semaine prochaine pour la 472C. Toujours confiné, oui, c'est sûr. Et ce sera une autre histoire. Bien évidemment, merci, à très très bientôt. Portez-vous bien et protégez-vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà. Donc, je tiens ma révérence. Et Eric, c'est à toi. Enfin, t'as dû commencer déjà parce qu'à mon avis, tu as la bourre. À très bientôt, salut.